La fontaine chez les voleurs, par Jules Lemaître. Chapitre 1er. Vers minuit, Jean de La Fontaine sortait d'une maison de la rue Saint-Jacques où il avait soupé avec quelques amis. Il portait une lanterne, car la nuit était sombre et la ville n'avait point encore de réverbère. Mais comme il passait sur le pont Notre-Dame pour regagner son logis, un coup de vent souffla le lumignon que Jean ne put rallumer, ayant oublié son briquet. Il vit alors un homme qui marchait devant lui en tenant à la main une chandelle de résine et dont une longue rapière relevait la cape à l'espagnol. La Fontaine se mit à le suivre pour profiter de l'éclairage. Mais au moment où ils arrivaient, l'un devant l'autre, au tournant du quai, l'homme tira de sa poche un éteignoir à cierge avec quoi il éteignit son oribus, sauta au collet de La Fontaine et lui demanda poliment mais avec fermeté la bourse ou la vie, pour se payer, disait-il, de la peine qu'il avait prise de le conduire. « Monsieur, lui dit Jean, je préférerais ne vous donner ni l'une ni l'autre, mais puisque vous me laissez du moins le choix, j'aime mieux vous donner ma bourse. » Il fouilla longuement dans ses choses et n'y trouva rien. « Monsieur, reprit-il, cela est fâcheux, mais j'ai oublié ma bourse, ainsi que vous pouvez vous en rendre compte. Il ne me restait donc à vous offrir que ma vie. Mais que ferez-vous de la vie d'un pauvre poète ?»« Ah, monsieur est poète, dit le voleur d'un air d'intérêt. » « Oui, du moins j'y tâche, répondit Jean. Mais je me suis aperçu en explorant mes choses que j'avais oublié la clé de mon logis en même temps que ma bourse et mon briquet, si bien que me voilà forcé de passer la nuit à la Belle Étoile. Ce qui n'est qu'une façon de parler, car je ne vois non plus d'étoile au ciel que d'écus dans ma poche. À moins que je ne trouve quelque taverne encore ouverte à cette heure, et où l'on me veuille bien faire crédit jusqu'à demain. Monsieur, dit le voleur, vous me paraissez civil et de bonne compagnie, et vous possédez en outre cette tranquillité d'âme qui est le propre du sage. C'est moi, si cela ne vous désoblige point, qui aurai l'honneur de vous offrir l'hospitalité dans ma modeste maison. Monsieur, dit La Fontaine, j'accepte avec reconnaissance. Le voleur alluma sa chandelle de résine. Les deux hommes purent s'examiner à loisir et semblèrent satisfaits l'un de l'autre. Le voleur, vêtu d'un pourpoint de satin noir, emprunté sans doute à quelque riche bourgeois, d'un haut de chausse de drap du Berry et d'une roupie de serge, avait une face martiale, mais sans dureté, et où la moustache seule était terrible par l'exagération de ses crocs. Et Jean de La Fontaine plut tout de suite à son compagnon par son nez débonnaire, son regard confiant et son costume négligé, qui était vraiment d'un poète ou d'un philosophe. Ils s'engagèrent dans la rue Saint-Denis et devisèrent chemin faisant. « Monsieur, dit le voleur, j'honore les poètes, et je suis poète moi-même à mes moments perdus. J'ai commencé mes humanités au collège de Navarre, et je serai peut-être, à l'heure qu'il est, régent de rhétorique, si des infortunes imméritées ne m'avaient contraint de chercher une autre profession. Celle que j'exerce n'est pas des mieux famées, mais j'en oublie du moins les loisirs qu'elle me laisse en les consacrant au culte des muses. Je feuillette, d'une main diurne et nocturne, les plus fameux de nos rimeurs. Messieurs de Corneille, de l'Étoile, de la Serre, Hardy, Théophile, Saint-Amand, Boyer, Chevalier, Cotin, Ménage et Tristan. J'écris au hasard de ma verve rondeaux, acrostiches, sonnets, épithalames, odes et madrigaux. Mais je cultive principalement le genre familier. Je fais des chansons pour les colporteurs et c'est moi qui fournis le savoyard et le boiteux de tous les refrains nouveaux avec quoi ils ont triomphé dans les carrefours et dans les meilleurs cabarets. Je crains d'abuser de la complaisance d'un confrère qui n'a pas eu tout d'abord à se louer de moi. Mais je ne saurais cependant renoncer à l'avantage d'être entendu par un juge aussi compétent que vous me paraissez être. Et si vous me permettiez de vous soumettre quelques fruits de mes veilles, monsieur, dit La Fontaine, je vous écoute. Le voleur, avec des gestes qui faisaient dessiner à sa chandelle de résine de grands paraphes lumineux, déclama une ode sur les victoires du roi, puis la dernière chanson qu'il avait composée pour le Savoyard, dans laquelle étaient célébrés les mérites du tabac, et où l'on voyait le poète préférer sa pipe à sa maîtresse. « Monsieur, dit La Fontaine, l'ode est sublime, mais la chanson me plaît davantage par sa simplicité et son tour populaire. « Monsieur, répondit le voleur, je crois que vous en jugez comme il faut. Je suis d'ailleurs d'un si bon naturel que je pardonne à ceux qui n'admirent pas également tous mes ouvrages et qui font un choix entre les produits de ma veine. Mais vous-même, monsieur, ne me ferez-vous pas l'honneur, je ne dis point de soumettre à mon faible jugement, mais de proposer à mon admiration quelques-unes de vos rimes ? Monsieur, dit La Fontaine, après l'obligeance de votre procédé envers moi, je ne vous saurais refuser une faveur si menue. Je vous réciterai donc un morceau que j'achevais ce matin même et où j'ai essayé de mêler la tendresse avec le badinage, car tel est mon goût. » Il récita, à voix presque basse, un petit hymne à la volupté qui se terminait ainsi. « Volupté, volupté, qui fut jadis maîtresse du plus bel esprit de la Grèce. » « Épicure, sans doute, » interrompit le voleur. « Vous l'avez dit, monsieur. » Il continua. « Ne me dédaigne pas. Viens t'en loger chez moi. Tu n'y seras pas sans emploi. J'aime le jeu, l'amour, les livres, la musique, la ville et la campagne, enfin tout. Il n'y a rien qui ne me soit souverain bien. Jusqu'au sombre plaisir d'un cœur mélancolique. » Le voleur demeura un instant silencieux et comme frappé de stupeur. Ensuite, il fit claquer plusieurs fois sa langue, puis, ôtant son chapeau et s'inclinant jusqu'au pavé, « Monsieur, dit-il, ce sont là des vers, de véritables vers, et tels que je ne me souviens pas d'en avoir entendu. Ils paraissent éclos sans plus d'effort que les fleurs. Je connais présentement que je ne suis qu'un écolier, et que vous êtes un maître. Croyez, monsieur, que je suis dorénavant tout à votre service. » Mais ne pourriez-vous me dire le nom de l'homme merveilleux qui vient de me révéler en quelque sorte ce que c'est que la poésie? Jean de La Fontaine, monsieur, pour vous servir à mon tour. Mais je ne pense pas que ce nom soit parvenu jusqu'à vous, car mes rimes n'ont point encore été imprimées. Et vous, monsieur, répugneriez-vous à me confier le nom de l'honorable Spadassin qui se montre si bon appréciateur des présents des muses? Monsieur, dit le voleur, je ne vous cacherai point qu'on m'appelle le capitaine Cascaret. Non que j'ai l'avantage d'être officier de Sa Majesté le Roi, mais je suis cependant mes troupes, ainsi que vous l'allez voir. Chapitre deuxième. Les deux hommes, en effet, ayant atteint la porte Saint-Denis, puis tourné à droite, s'arrêtèrent devant une maison assez grande, mais d'apparence minable, bâtie sur le rempart. « C'est ici, » dit Cascaret. Ils entrèrent dans une grande salle, au plafond bas et enfumé, mal éclairé par quelques chandelles, où des hommes attablés buvaient dans des pots d'étain et pétunaient dans de longues pipes de Hollande. Tous se levèrent en voyant entrer Cascaret. Il leur présenta son compagnon en ces termes. « Monsieur est un ami, ayez pour lui des égards. » Puis il avisa une table restée libre et invita La Fontaine à s'y asseoir près de lui. Une grosse servante leur apporta une bouteille et deux gobelets. « Vous pouvez parler devant monsieur, » dit Cascaret à ses hommes. Alors, à mesure qu'il les appelait, « Bondry, La Brèche, La Boline, Langevin, Rustaud, Brindeloc. » Ils vinrent l'un après l'autre, chapeau bas, lui rendre compte de leurs travaux de la soirée. Plusieurs lui remirent des bijoux de diverses sortes, colliers, anneaux, croix ou bracelets, et beaucoup d'or et d'argent monnayé, parmi quoi il y avait des pièces fort légères. Mais le chef ne se mit pas en peine de chercher un trébuchet, sachant bien que ses commis, les ayant reçus sans les regarder, n'étaient pas obligés de les lui garantir trébuchantes. D'autres apportèrent des manteaux, des chapeaux, des pièces d'étoffe, des ustensiles de cuisine et divers objets d'utilité ou d'agrément que Cascaret fit mettre en tas dans un coin de la salle. « C'est bon, messieurs, » dit-il enfin, « on vous fera demain la distribution. Vous pouvez retourner boire. » Jean de La Fontaine avait considéré la scène avec une bienveillante curiosité. « Monsieur, » dit-il à Cascaret, « j'admire que vous ayez su ordonner ainsi le désordre et faire régner parmi des gens à qui je ne me fais point tort en les supposant hors la loi, une discipline et une obéissance que l'on rencontre rarement même dans la société régulière. « Monsieur, » répondit Cascaret, « je n'y ai, je vous assure, aucune peine. Parce que j'ai étudié et que je me pique d'aligner des rimes, j'ai parmi ces braves gens le renom d'un esprit hors de pair, et à cause de cela, ils m'obéissent volontiers. Ils reconnaissent à leur manière le doux empire des muses, et pourtant, beaucoup sont plus habiles que moi, et je ne saurais vous dire l'infinie variété des stratagèmes qu'ils inventent. Celui-ci, qu'on appelle Bondry, et qui, l'année dernière encore, s'escrimait contre les ondes avec une épée de bois, vous voulez dire qu'il ramait sur les galères du roi? Tel est, en effet, le sens de cette figure de rhétorique. Bondry, donc, est un des plus adroits de la compagnie. Dans les marchés, il contrefait le paysan. On le voit au palais vêtu en procureur. Parmi les grands, il paraît ajusté en gentilhomme. Dans tous ces lieux, s'il trouve quelque chose qui lui convienne, il pose la main aussitôt que l'a vue. Celui-là, Brindestock, fournit ses compagnons de lames d'épée qui lui reviennent fort bon marché, car, entrant chez un fournisseur avec un fourreau vide à son côté, il glisse dans ce fourreau une lame neuve pendant que le fournisseur lui en fait boire d'autres. Ce troisième, la brèche, n'est pas moins ingénieux. Lorsqu'il a visité un logis en l'absence des habitants et qu'il y a fait sa main au lieu de fuir à toutes jambes, il chemine modestement pendant quelques minutes, puis revient sur ses pas, et s'il voit des gens en quête du voleur, il va doucement à leur rencontre, passe à côté d'eux et sauve ainsi son butin. Ce quatrième, la boline, met quelquefois un cotillon par-dessus ses grègues, une écharpe sur sa tête et un masque sur son nez. Ainsi déguisé, il attaque en plein jour le bourgeois dans la rue, et les passants qui les voient en contestation, croyant que c'est un mari et une femme qui ont ensemble quelques différends, ne se mêlent point de leurs affaires. Ou bien ils posent, le soir, au coin d'une rue, deux mannequins habillés, et quand un bourgeois se présente, « Mais peut-être, monsieur, que je vous ennuie ?» Jean de La Fontaine s'était endormi. Il fut réveillé par un bruit de dégringolade le long d'un escalier de bois qu'on voyait dans un angle de la salle. C'était une troupe de femmes. Cantine, Parthénis, Amarante, Sylvie, Nanon, Gillette, Simonette et la Gibouleuse, qui descendaient de leur chambre et furent se mêler aux buveurs. Deux ou trois étaient assez jolies, mais toutes étaient grossièrement fardées et vêtues de friperies, et plusieurs, sans doute à la suite de quelques rixes, s'étaient appliquées sur le visage des mouches aussi longues que des chenilles pour servir d'emplâtre à leurs égratignures. À leur entrée, une violente odeur de musc s'était répandue dans le cabaret. Cascaret, voyant La Fontaine réveillée, continua ses explications. « Ces dames sont les compagnes de ces messieurs et les aident à supporter une existence souvent pénible. Leur cœur est fidèle, encore que ces messieurs ne leur défendent point de faire part de leur charme pour des sommes modiques aux étrangers qui d'aventure les en prient. Elles rendent à notre communauté d'autres services. Elles entretiennent notre garde-robe et elles sont si habiles à déguiser les hardes, dérobées aux bourgeois, soit en changeant les doublures et les boutons, soit en tournant le collet à l'envers, que ceux à qui ces hardes ont appartenu ne les pourraient jamais reconnaître quand elles leur passeraient devant les yeux. Ces bonnes filles habitent à l'étage au-dessus, sous la surveillance de Dame Angilberde, cette vénérable duègne, que vous voyez attablée là-bas avec ce gros homme roux et taciturne. Cet homme, dit La Fontaine, offre aux yeux une trogne horrifique à la fois et bonasse. Tel je me représente les stupides géants, les strigons. Est-il aussi de votre troupe ? C'est un ami de la maison, un des aides du bourreau de Paris, et qui nous fait souvent l'honneur de venir boire en notre compagnie. Il est utile, dans notre métier, d'entretenir des relations courtoises avec les exécuteurs de haute justice, car tels gens peuvent sauver un homme condamné à la potence en lui fourrant dans la gorge la douille d'un soufflet en guise de canule pour lui conserver la respiration. Ils peuvent encore mettre une tranche de lard sur l'épaule d'un patient avant d'y appliquer les armes du roi. « Toute chose à considérer, » dit gravement Jean de La Fontaine, à qui les yeux papillotaient et qui ne savait plus très clairement en quel lieu il se trouvait transporté. « Il faut penser à tout, » reprit Cascaret, « tirer parti de tout s'il se peut, et se racheter de l'infamie par la subtilité. Mais, monsieur, j'ai encore d'autres ressources que mon modeste talent de poète, et ce que les lois condamnent sous le nom de larcin. C'est à moi que s'adressent les personnes qui ont à se venger de quelque ennemi. Nous tenons au bureau de coups d'épée, de coups de nerf de bœuf, de bastonnade ou de simple nasarde, chaque article étant tarifé au plus juste. Du reste, nous n'allons jamais jusqu'au meurtre, car nous avons de l'humanité et de la prudence. « Oui, oui, » répondit vaguement Jean de La Fontaine. « Je vous ai développé, monsieur, tout mon petit gouvernement. Je l'administre avec une équité qui ferait honte à plus d'un juge du Châtelet et à plus d'un gouverneur de province. Nous vivons à la façon des bohèmes qui, sans acheter aucune chose, ont tout ce qui leur est nécessaire. Nous sommes dans Paris comme des loups dans une forêt. Pour ma part, toutefois, j'essaie de relever ma profession par l'espèce de vertu qu'elle peut encore comporter, et en même temps je me sens absous par les dangers qui sans cesse la menacent, et qui ne sont point de ceux dont il faut rire. C'est le risque plus grand, c'est le risque plus grand, c'est le risque de mort, qui ennoblit le métier de larron et de fille comme le métier de monarque. Au surplus, j'ai l'honneur d'être libertin. J'ai eu jadis quelques teintures de la doctrine de M. Gassendi, mais j'en ai poussé les conséquences plus loin que nos affaires, ce galant homme. Cette philosophie convient à mon état, et mon état se trouve justifié par cette philosophie. Ne le pensez-vous pas, monsieur ? Monsieur, tout en effet est relatif, bégaya Jean de La Fontaine. Il approuvait tout. Une ivresse indulgente noyait ses yeux. Il souriait à Cantine et à Simonette, qui peu à peu s'étaient approchés et qui lui faisaient des agaceries. Monsieur, dit Cascaret, si l'une de ces bonnes filles a l'heure de vous agréer, sachez que nous sommes fort au-dessus de la jalousie vulgaire. Monsieur, dit Jean d'une voix empâtée, comment reconnaître ? Vous en avez, monsieur, un moyen bien simple. C'est de vous faire mon maître en poésie et de condescendre à corriger mes vers. Chapitre troisième. Jean de La Fontaine passa trois journées charmantes dans la maison du capitaine. Il se levait tard, mangeait bien, buvait sec, et s'amusait extrêmement des spectacles imprévus que lui donnait l'étrange compagnie. Pendant que les autres étaient dehors, il revoyait les vers de Cascaret, fit même pour lui la chanson de Dupont et de la Guimbarde, et Dieu garde de mal Lubin et sa loyale amante, conversait avec Dame Angilberde, à qui il trouvait beaucoup de sagesse, et le reste du temps, il dormait. L'après-midi du quatrième jour, comme il était seul dans la salle, somnolent parmi les pots, un jeune Robin entra, vêtu à la dernière mode, petit chapeau, vaste perruque blonde, petit pourpoint, grand collet et grande manche, avec de larges canons et une abondance de petits toits qui le faisaient ressembler à un pigeon pâtu. Le galant s'avança vers La Fontaine et lui dit « Le capitaine Cascaret, sans doute ?» Jean inclina le menton, non pour tromper le visiteur, mais parce que, dans l'état d'agréable torpeur où il était, l'effort de parler ou seulement de remuer la tête en signe de dénégation lui semblait trop rude. Alors le jeune Robin expliqua qu'il avait recours aux bons offices de l'illustre capitaine Cascaret pour se venger d'un seigneur qui lui avait soufflé sa maîtresse. Il s'agissait de bâtonner son rival, puis de le défigurer par quelque estafilade. On le rencontrerait tel jour, à telle heure, en tel lieu et sortant de telle maison. D'ailleurs, ajouta le Robin, je serai là, tout proche, et je vous le désignerai moi-même, à vous ou à vos lieutenants, et je payerai ce qu'il faudra. Jean de La Fontaine, que ce discours avait à demi réveillé, répondit simplement « Monsieur, ce que vous me demandez est fort vilain. Je n'en ferai rien, je vous assure. » Le jeune bourgeois aurait eu bonne envie de se fâcher s'il n'avait réfléchi au danger d'une querelle avec un homme d'épée aussi réputé que le capitaine Cascaret. Il se contint, allégua qu'il n'avait jamais été dans les académies, sans quoi il ne s'en fût remis à nul autre du soin de châtier son rival, qu'il n'entendait du reste lui faire appliquer que des coups fort légers, humiliants et non point douloureux, qu'il adorait sa maîtresse et qu'il était désespéré de l'avoir perdue, enfin qu'il donnerait à Cascaret jusqu'à 50 écus s'il consentait à se faire le vengeur d'une flamme injustement méprisée, sur quoi il laissa échapper quelques larmes. « Mon enfant, dit Jean de La Fontaine, touché, je compatis à votre chagrin. Mais quand vous m'offririez les trésors de Golconde, je refuserais de faire ce que vous attendiez de moi. Mon naturel répugne à la violence, et principalement dans les choses de l'amour. « S'il le faut, dit le jeune homme, j'irai jusqu'à 60 écus. » Mais Jean continua sans l'entendre. « Votre dessein, outre qu'il marque peu de bravoure et peu de loyauté, me paraît fort déraisonnable. J'ai quelquefois aimé sans être aimé moi-même. Je me réfugie alors dans le vin, dans le sommeil ou dans un autre amour. Faites comme moi, mon cher enfant. On ne force point les cœurs. Je n'ai pas l'honneur de connaître votre maîtresse, mais je suis sûr qu'en vous préférant un autre amant, cette charmante fille a cédé à un mouvement irrésistible. Si elle aime vraiment votre rival, elle me paraît non seulement excusable, mais intéressante. Et vous devez même la louer de sa sincérité. Que si elle l'a préféré parce qu'il est homme de cour ou à cause de ses grands biens, dites-vous qu'elle n'est qu'une personne vaniteuse ou intéressée et qu'elle ne vous méritait pas. Les raisons de nous consoler ne nous manquent jamais si nous savons nous y prendre. Au surplus, vous êtes jeune, bien fait, galamment habillé, et j'ai vu que vous aviez de l'esprit. Vous ne pouvez donc manquer de faire impression sur quelque autre belle personne qui vous dédommagera du mauvais procédé de votre infidèle. Et ne dites point que vous êtes à jamais incapable de vous éprendre d'un nouvel objet. Les belles personnes, mon enfant, nous apportent toutes à peu près le même plaisir, qui est vif, mais court. C'est notre imagination qui l'embellit, le rend plus fin et plus délicat, le diversifie, l'agrandit par l'attente et par le souvenir. Un garçon fait comme vous trouve peu de cruels, ou s'il en trouve, les consolatrices ne sont pas loin. Allez, allez, mon enfant, plus un mot, laissez-moi, j'ai beaucoup à travailler aujourd'hui. » Et il poussa affectueusement vers la porte le jeune bourgeois stupéfait d'avoir rencontré chez un spadassin tant de douceur et de désintéressement, ravi d'ailleurs de ses dernières paroles et pour le reste à peu près consolé. Mais comme Jean de La Fontaine regagnait son banc, il heurta Cascaret qui l'attendait les bras croisés. « Monsieur, dit froidement le capitaine, j'étais haut de l'escalier et j'ai entendu toute votre conversation. Je vous croyais mon ami, et vous venez de me faire perdre 60 écus. « Monsieur, répondit La Fontaine, je vais les chercher et je vous les apporte. » Et il sortit après un grand salut. Chapitre 4e. Il rentra chez lui tout d'un trait, prit 60 écus dans sa cassette qui, par grand hasard, était assez garnie, et se dirigea vers la maison de Cascaret. Mais il rencontra en chemin un ami qui le mena souper, puis à la comédie. Le lendemain, il dormit tard, puis fut rêvé dans la forêt de Boulogne. Le jour suivant, il prit le coche pour Reims, où il passa 2 semaines chez son ami Maucroix, et ainsi de suite. Mais 3 mois environ après sa rencontre avec Cascaret, il entra chez le digne capitaine. « Monsieur, voici les 60 écus que je vous ai promis il y a quelques jours. » « Je ne vous attendais plus, monsieur, » dit sèchement Cascaret. « Avez-vous donc cru, monsieur, que je consentisse à vous faire tort ?» Alors Cascaret, cessant de feindre, « Et vous, avez-vous cru, monsieur, ou plutôt mon maître et mon ami, que je doutasse de votre parole ? Et croyez-vous à présent que j'ai le cœur assez bas pour accepter ces misérables écus ? Il est vrai que vous m'en frustrâtes, mais ce fut par un de ces mouvements débonnaires et gracieux dont je voudrais que l'élégance me fût quelquefois permise. Au reste, ne vous ai-je pas aussi frustré, en quelque manière, des vers divins que vous avez daignés, çà et là, semés dans mes humbles chansons ? Et j'aurai l'âme assez ravalée pour admettre, dans mon escarcelle avare, cet argent qui, sans doute, est le prix de vos doctes veille ? Non, non, de par tous les diables. Mais si vous le voulez bien, nous allons manger et boire en compagnie de ces gens simples et ces bonnes créatures. » Toute la maison fit fête à Jean de La Fontaine. Il ne la quitta que le surlendemain, embrassé et caressé de tous, et sur la promesse d'y revenir souvent. Il y revint quelquefois. Ainsi s'achève La Fontaine chez les voleurs, par Jules Lemaître.